Bon, je commence à vous remercier du coup Michel Barthélémy et Christian Topaloff et puis le reste des organisateurs du séminaire pour m'avoir convié. Je pense, là en vous écoutant, j'avais l'impression que ce qui pourrait faire le trait d'union entre les communs dont vous avez parlé, l'autonomie dans un sens plutôt castoriadien dont je vais vous parler, c'est peut-être la question de l'institution, au sens où je pense que dans les deux cas, il y a cette idée que l'émancipation, elle n'est pas à penser contre les institutions, que les institutions n'incarnent pas nécessairement des instances bureaucratiques, autoritaires, dont il faudrait s'émanciper, mais que c'est plutôt du côté d'une reconfiguration, d'un réagencement des institutions, ou même d'un nouveau rapport aux institutions, qu'on pourra trouver des pistes fécondes, on va dire. Donc cet ouvrage-là, dont je vais vous dire quelques mots, c'est quelque chose qui est né il y a 3 ans d'une rencontre entre donc Éric Fabry, avec qui j'ai co-dirigé ce livre, qui est doctorant en philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles, qui lui fait sa thèse sur une histoire intellectuelle de la propriété. Donc je lui transmettrai comme... Ça a été enregistré la séance, je pense que ça l'intéressera énormément. Donc, il fait une thèse sur la théorie de la propriété. Moi, j'ai soutenu une thèse sur la désobéissance civile. Donc, voilà, a priori, ces deux objets, bon, déjà, qui n'ont pas forcément grand-chose en commun, enfin, quoique, et surtout, qui n'ont pas non plus forcément de lien direct avec Castoriadis, mais on s'est vite rendu compte, parce qu'on a partagé un bureau pendant 3 ans avec Éric, qu'on avait un intérêt commun pour cet auteur Cornelius Castoriadis. Alors lui, plutôt pour le Castoriadis historien et le Castoriadis économiste, vous savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais du coup je le précise pour qu'on voit un petit peu de quel homme, de quel personnage on parle avant vraiment de se plonger dans sa pensée, mais que Castoriadis a été économiste pendant 22 ans, il a dirigé un service de plus de 120 personnes à l'OCDE, il faisait des stats sur tout un tas de trucs au niveau international. Il a été aussi historien, il a enseigné ici à l'EHESS à partir de 1980, il a donné un séminaire pendant plusieurs années, qui a donné lieu à une publication posthume récemment, Ce qui fait la Grèce au seuil. Et Pierre Vidal-Naquet disait de lui que c'était un de ses seuls contemporains avec qui il pouvait parler sur un pied d'égalité de la Grèce antique. Donc voilà, quelqu'un qui véritablement connaissait le sujet. Ça, c'était le Castoriadis qui intéressait le plus Éric. Moi, j'étais plutôt sur un Castoriadis à la fois psychanalyste, politique et philosophe. Psychanalyste parce qu'il a eu... Il a eu un cabinet, pas très loin d'ici d'ailleurs non plus, dans lequel il a fait une analyse lui-même. Et puis ensuite, il a pratiqué comme analyste pendant une vingtaine d'années aussi à peu près. Castoriadis politique, Castoriadis militant, parce que Castoriadis, c'est quand même avant tout quelqu'un qui est arrivé en France à moins de 20 ans, qui a rejoint le Parti communiste internationaliste, donc trotskiste, affilié à la 4e internationale, puis qui a créé ce groupe à l'époque très peu connu, peu audible. Après, beaucoup de gens ont dit que si, s'était rapproché de SOUB, ils lisaient avidement SOUB, mais à l'époque, c'était quand même un petit groupe, Socialisme ou Barbarie, qui était très anecdotique dans le paysage, mais comme il y a des gens qui sont passés par là, comme Lefort, Castoriadis, Lyotard, Debord, qui ensuite sont devenus des sommités intellectuelles du paysage français, c'est un groupe qui a connu de façon posthume une certaine notoriété. Et puis, du coup, aussi, pour moi, de mon côté, un intérêt pour le Castoriadis philosophe, qui a produit cette œuvre magistrale, qui est l'institution imaginaire de la société, et puis d'autres travaux ensuite, qui produit une véritable... ontologie, parce que c'est une ontologie au sens propre. Donc un intérêt pour ces différents Castoriadis, économistes, historiens, philosophes, psychanalystes, militants, etc. Mais surtout, en fait, en réalité, c'était sur ça qu'on se retrouvait avec Éric, plus qu'un intérêt pour ces différentes facettes du personnage, une véritable admiration pour sa capacité à voyager comme ça d'un continent à l'autre, et pour cette pensée qui, cet homme qui représentait une forme de, je sais pas comment l'appeler, mais d'intellectuel global, d'intellectuel total ou universel qui essayait, et c'est comme ça que Castoriadis le disait, d'embrasser la globalité du pensable. Alors tâche évidemment inaccessible, fantasmatique et tout ce qu'on voudra, mais tâche nécessaire selon lui, dans le sens où pour mener une critique radicale de la société capitaliste, eh ben, une critique radicale, c'est une critique qui forcément est globale, ou en tout cas qui tend vers une approche, une compréhension globale de la société, et qui me semble quelque chose de très précieux, qui paradoxalement, aujourd'hui on est dans une situation où on prône, l'institution, pour dire les choses plus précisément, l'institution universitaire prône et défend avec vigueur la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, donc des regards comme ça un peu englobants, mais en réalité on se rend bien compte dans les logiques quotidiennes que nous impose l'institution que ces logiques vont plutôt dans le sens inverse et nous poussent à cloisonner aussi bien les disciplines que les objets, à saucissonner, à morceler nos approches. Et ça, ça a un impact, enfin, ça a une portée, ce phénomène qui est directement politique, parce que en poussant à regarder la réalité morceau par morceau, ben justement, on s'empêche d'avoir ce type de regard que Castoriadis essayait de promouvoir, qui était un regard global, et du coup, qui conditionnait une critique radicale de la société actuelle. Alors, ce livre, du coup, donc au départ, c'est un colloque hein, qu'on a monté avec Eric, auquel on a convié tout un ensemble de spécialistes de Castoriadis. Il est né à partir de, le projet est né dans nos têtes à partir de deux constats. Le premier, c'est un constat concernant, pour le dire vite, la caractérisation politique de la période dans laquelle on est, qu'on caractérise comme une période de crise. Je vais détailler un petit peu ça. Et le deuxième constat, c'est le fait que face à cette crise, on est assez mal outillé d'un point de vue intellectuel et conceptuel, et que par contre, justement, Castoriadis, sans être évidemment le penseur miracle ou quoi, mais nous donne quelques ingrédients pour essayer de s'orienter un petit peu mieux. Alors, donc cette idée, ce constat-là, qu'on est dans une période de crise, c'est ce qui a donné son titre à cet ouvrage, hein, « Autonomie ou barbarie ». Notre idée, c'est de dire qu'il y a une crise systémique, au sens vraiment épistémologique hein, du mot « crise », c'est-à-dire qu'on est à un moment de basculement, où ce qui est le plus vraisemblable, c'est que dans les temps à venir, les choses ne vont pas rester comme avant, elles vont basculer d'un côté ou de l'autre, du côté de l'autonomie pour schématiser ou de la barbarie, qu'on est à un moment, donc crise c'est le moment soit de l'agonie, de la mort définitive d'un organisme, soit de la rémission, soit il sombre définitivement, il sombre aux enfers comme vous voulez, soit il rebondit, il repart de plus belle, voilà. Mais les choses vont pas rester comme elles sont, il y a trop de tensions, trop de contradictions, trop intenses pour que ça reste comme ça, et donc on est à un moment de basculement, et tout l'enjeu c'est de faire que ça bascule du bon côté. Et pour que ça bascule du bon côté, il faut agir. Et donc, il y a toute une réflexion aussi à la base de ce livre sur les rapports entre le métier de chercheur et la responsabilité, on va dire, sociale et politique du chercheur qui est là et avec laquelle il faut composer. Et pour agir, bon, bah, il faut comprendre, il faut voir dans quelle situation on est. Et ce qui nous semblait, c'est que, voilà, que Castoriadis permet, dans une certaine mesure, d'échapper à certaines oppositions assez stériles, on peut dire, qui caractérisent une bonne partie des pensées critiques contemporaines, des oppositions qui sont celles entre peut-être justement collectif et individu, entre privé et public, entre universel et singularité, entre raison, émotion, entre nation, Europe, voilà, tout un ensemble de couples conceptuels qui nous piègent, quoi, qui sont un peu des espèces de double impasse. Alors, le colloque qu'on a organisé, du coup, c'était un peu dans cet état d'esprit, c'était de dire, et quand on a convié les intervenants, on a vraiment insisté sur ce point-là, on leur a dit, l'objectif n'est pas de penser sur Castoriadis, mais de penser avec Castoriadis, on ne va pas faire de l'exégèse, virgule par virgule, de l'œuvre de Castoriadis, qui est une chose intéressante par ailleurs, hein, mais on va essayer de penser avec lui, ce qui veut dire aussi éventuellement contre lui, parce qu'on va mettre ses concepts, ses idées à l'épreuve de la pratique de notre actualité. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis contemporains », vraiment ses défis les plus actuels. Alors bon, du coup, dans la petite intervention que je fais là, je vais raisonner en deux temps. Le premier temps, c'est pour revenir sur ce que je vous disais là, sur notre caractérisation de la période. Là, j'endosse des habits qui ne sont absolument pas ceux de chercheurs que j'ai. Enfin, je veux dire, je travaille, moi, spécifiquement en sociologie des mouvements sociaux et des partis politiques et en philosophie politique, donc j'ai des objets bien précis, comme tout le monde. Le propos là que je vais tenir, c'est plus du côté de je considère que le chercheur a une certaine responsabilité sociale et que du coup elle réside notamment dans le fait de proposer, de soumettre, mais vraiment au sens je propose, je mets sur la table, on discute et on voit ce qu'on en fait, de proposer une compréhension de la période. Donc ça, ce sera la première partie. Et la deuxième partie, par contre, là, on va vraiment plonger dans la totalité complexe que représente la pensée de Castoriadis, et je vais essayer de donner une trame un petit peu pour essayer de saisir cette pensée, de voir comment elle peut nous aider à affronter ce que j'aurais présenté dans un premier temps. Donc la situation politique qu'on résume sous l'alternative autonomie ou barbarie. Donc autonomie ou barbarie, c'est une double référence en réalité, c'est une référence donc à socialisme ou barbarie, le groupe que Castoriadis a fondé avec Claude Lefort et dans lequel il a milité pendant presque une vingtaine d'années. Et donc on a substitué autonomie à socialisme parce que on voulait aussi une référence à l'autonomie qui, il me semble, est le concept central de l'œuvre de Castoriadis. Et donc cette alternative aujourd'hui entre autonomie ou barbarie, elle se traduit concrètement par les ravages sociaux et environnementaux causés par le néolibéralisme et la pente glissante vers la barbarie sur laquelle nous mettre ces ravages et d'un autre côté l'urgence d'apporter une réponse à ces ravages qui ne soit pas un simple replâtrage du malade, le simple fait d'arrondir les angles, mais vraiment une réponse radicale à toutes ces menaces qui pèsent sur nous et qui soit donc qui nous engage et qui engage une nouvelle course vers l'autonomie et vers l'émancipation. Donc si vous voulez, la façon dont vous voyez un peu la situation actuelle avec Eric, c'était celle d'un jeu à trois forces, si on veut, plutôt que deux, trois forces, parce que la force qui est dominante, mais qui est en crise, c'est le néolibéralisme. Et si vous voulez, de chacun des côtés, il y a la barbarie qui menace et l'autonomie qu'on peut espérer et qui quelque part nous attend. Et donc l'idée, c'est que c'est l'idée de base, c'est qu'il y a hégémonie du libéralisme devenu néolibéralisme. Quand même très complexe par contre les liens, enfin les différentes formes, types de libéralisme et son lien avec le néolibéralisme. Et l'idée globale, c'est qu'il y a une hégémonie du modèle néolibéral qui se traduit sur le plan idéologique, économique, social et politique. Et que face à ça, il y a, pour le dire comme ça, c'est une citation d'Arendt qui disait que les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute des régimes totalitaires. Et bon, quand on pense, on a tous les jours des images qui peuvent venir attester de cette idée-là, mais quand on voit ce qui se passe notamment dans les camps, de tout type, mais aujourd'hui, on perçoit ces éléments totalitaires qui persistent. À côté de ça, on a aussi tout un tas d'éléments démocratiques au sens fort qui sont là dans nos sociétés et qui font contrepoids au néolibéralisme. Bon, c'est des choses banales, mais tout à l'heure on parlait de la sécurité sociale. Ça peut être aussi tout simplement le fait qu'on a quand même encore un état de droit avec un ordre juridique formel. On a certaines libertés qui nous sont garanties, des libertés syndicales, des libertés de manifester, de réunion, la tenue d'élections régulières. Bon, on peut critiquer tout ça, mais voilà, il y a quand même des conquêtes démocratiques et des germes démocratiques. Alors l'hégémonie néolibérale, libérale aussi, je disais, elle se manifeste sur plusieurs plans. D'abord sur le plan idéologique par des choses, enfin c'est des idées toutes bêtes, mais je les rappelle juste comme ça pour qu'on les ait en tête, sur cette opposition ressassée comme ça entre égalité et liberté, qui fait que si vous défendez la liberté, vous êtes nécessairement des ennemis de... Si vous défendez l'égalité, vous êtes nécessairement des ennemis de la liberté, ou si vous défendez la liberté, ça ne peut être qu'une liberté d'entreprendre, une liberté de licencier, une liberté... Voilà, c'est une liberté qui en fait est une licence qui va permettre un accroissement des inégalités. Autre idée comme ça de la philosophie libérale qui est très importante et qui domine comme ça encore aujourd'hui, c'est ce que Marshall Salins appelle l'illusion de la nature humaine, et cette idée qu'il y aurait une nature humaine fondamentalement mauvaise une idée qu'on peut retrouver un peu différemment chez C.B. McPherson dans son livre sur l'individualisme possessif, où il dit, là, c'est l'idée plutôt qu'une nature humaine mauvaise, c'est l'idée d'une nature humaine égoïste, d'un individualisme replié sur ses intérêts privés. Et du coup, ces présupposés anthropologiques, en fait, ils fonctionnent comme des prophéties autoréalisatrices, parce que on part de ces présupposés, on crée des institutions qui sont censées répondre à cet état des choses, et en fait, c'est ces institutions qui vous créent des individus mauvais ou individualistes, ou voilà. L'hégémonie du néolibéralisme, elle est aussi manifeste sur le plan économique, ça, je vais passer là-dessus, c'est trop évident pour tout le monde. Elle est sur le plan politique, strictement politique, si on peut dire, avec tout un tas de contradictions là-dessus, parce que le libéralisme politique classique de Montesquieu et autres prône la séparation des pouvoirs, alors que ce que montrent des travaux régulièrement produits, d'abord par Charles Whitmills, aujourd'hui par des gens comme les Pinsons Charlot ou d'autres, c'est qu'en réalité, derrière une séparation formelle des pouvoirs et des institutions, il y a une collusion très forte entre les élites, qu'elles soient économiques, politiques, juridiques, etc. C'est aussi tout ce qui concerne la démocratie représentative, hein, c'est le fait que le libéralisme politique, c'est une démocratie. Pour Castoriadis, c'était réellement un oxymore, hein, c'est-à-dire que lui, il disait, à partir du moment où on doit décider qui doit décider, on n'est plus en train de décider. À partir du moment où vous votez pour des gens qui vont décider à votre place, en réalité, c'est plus vous qui décidez. Vous vous dépossédez au profit de vos représentants qui finissent par ne représenter plus qu'eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, ce que Bernard Manin appelle un gouvernement représentatif, on refile ça sous le nom de démocratie, alors que quand on fait une histoire même du mot démocratie, c'est très très intéressant, parce que les pères fondateurs des régimes modernes, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, ils appelaient justement pas ça des démocraties. Ils étaient très très clairs sur le fait que les régimes représentatifs qu'ils étaient en train de fonder, c'était tout sauf des démocraties. Le problème, c'est que pour faire beaucoup trop vite, mais les gens en bas se sont réappropriés le terme démocratie, ont retourné un peu le stigmate en disant « bah oui, mais nous on est fiers d'être des démocrates », voilà. Petit à petit, ça s'est répandu, et donc les gens qui voulaient se faire élire, à un moment, ils ont compris que pour se faire élire, il fallait arrêter de se dire anti-démocrate, et c'est comme ça que le Parti démocrate aujourd'hui aux États-Unis, en fait, s'appelait au départ le Parti républicain, puis le Parti républicain démocrate, puis maintenant il s'appelle le Parti démocrate tout court. Bon, voilà. C'est ce genre de choses, mais qui sont connues par ailleurs. Oui, et donc voilà, bon, et dernier point peut-être qu'on peut rajouter qui me semble important de mentionner quand même sur le fonctionnement du régime au sens large, hein, néolibéral dans lequel on est, c'est que c'est un régime qui, face aux crises auxquelles il est confronté, essaye d'apporter des solutions qui en fait ne font qu'empirer les problèmes. J'exemplifie. Si on prend le cas du chômage, parce que c'est quand même ce qu'ils nous disent, hein, Macron, il nous dit qu'il veut, il travaille contre le chômage pour défendre l'emploi, etc. Qu'est-ce qu'on fait contre le chômage? On liquide le droit du travail avec ce fameux théorème du ministre là allemand dont j'ai oublié le nom dans les années 90, là, mais qui disait les profits, Schmitt, merci. Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain qui font les emplois d'après-demain. Donc en fait, voilà, on liquide le droit du travail pour résoudre le problème du chômage. Même chose au niveau de la crise environnementale, produite par une marchandisation généralisée du monde, et on nous dit, ne vous inquiétez pas, on a trouvé une solution, c'est les droits à polluer. Ou alors la géo-ingénierie, voilà, confiance absolue dans la science, on va vous envoyer des machins dans l'atmosphère, vous allez voir, ça va résoudre tout ça. Et puis au niveau de la crise politique, c'est pareil, on a eu un taux d'abstention qui grimpe quand même dans un certain nombre de pays, une désaffection, un désintérêt pour la politique, et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait pour solutionner le problème? Et on nous apporte toujours plus d'experts, toujours plus de technocrates, toujours plus compétents les uns que les autres, sans comprendre que le problème, c'est justement que il y en a marre, plus ou moins, c'est plus formulé plus ou moins directement, mais il y en a marre, comme ont pu le dire par exemple les indignés, de ces gens qui nous gouvernent au nom d'une prétendue compétence, alors qu'on veut se gouverner nous-mêmes compétents ou pas. Face à ce néolibéralisme, on a deux types, je pense, de résistance. Là, pour employer le vocabulaire de Castoriadis, on pourrait dire des résistances hétéronomes d'un côté et des résistances autonome de l'autre. Alors les résistances hétéronomes, je vais passer dessus beaucoup trop vite, mais ça va être, donc résistance hétéronome au néolibéralisme, ça va être tout ce qu'il y a du côté de l'intégrisme religieux, quel que soit celui des monothéismes que vous avez en tête, parce que ce soit le créationnisme aux USA, la manif pour tous ici, que ce soit ce qui se passe en Syrie avec Daesh, ou que ce soit ce que fait le gouvernement de Netanyahou, vous avez des intégrismes religieux dans toutes les religions, et c'est pas plus mal de le rappeler que c'est vraiment dans toutes les religions. Résistance hétéronome au néolibéralisme, il y a aussi ce que je disais à l'instant sur le scientisme, une foi quand même parfois sans limite dans les progrès de la science, qui fait un peu penser à ce fumeur qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, et qui se dit mais c'est pas grave, un jour la science trouvera une solution pour changer mes poumons, je peux continuer, tout ça finira bien. Résistance du côté du nationalisme aussi, bon voilà, on voit aussi, et puis de l'autoritarisme, différentes résistantes hétéronomes, et on a aussi des résistances qu'on peut placer du côté de l'émancipation et de l'autonomie. Du côté, bon, bah, pareil, je vais pas commencer à faire des listes, mais vous voyez toutes les luttes et tous les mouvements sociaux qui se passent aujourd'hui dans le monde ces dernières années. Je vais pas tous les citer, mais vous voyez, on voit, je pense qu'il se passe aussi, aussi des choses de ce côté-là. Alors, du coup, ça nous amène à dire quoi ? À dire que bah, la situation, elle se caractérise par, le trait vraiment principal de la situation actuelle, c'est son ambivalence, l'indécision, l'incertitude. On a l'écroulement du vieux monde, le vieux monde polarisé qu'on a eu pendant quasiment un demi-siècle avec communisme et capitalisme. Bon, du côté du communisme, là, Castoriadis dit, c'est clair, il a été pulvérisé. L'URSS, il disait 4 mots, 4 mensonges, Union des républiques socialistes soviétiques, voilà, a été pulvérisé, et avec le régime politique en tant que tel, a été pulvérisé aussi l'idéal communiste. Donc là, Castoriadis, lui, clairement, il a une position qui est aux antipodes de celle que peut tenir quelqu'un comme Badiou, qui va vous dire que l'idée communiste platonicienne survit par-delà les ruisseaux de sang qu'on a pu commettre en son nom. L'idée reste intacte et il faut continuer à se battre pour ça. Bon, non, Castoriadis lui dit, non, clairement, ça ne fait plus rêver. Et là-dessus, je pense que c'était ce que vous disiez tout à l'heure. Il nous faut autre chose, il nous faut un autre projet de société. Et cet autre projet de société, c'est plus le capitalisme qu'il fournit. Le capitalisme, donc, était la deuxième pierre, le deuxième pilier de l'ancien monde qui est en train de s'écrouler. C'est plus le capitalisme, parce que même si on reste dans un régime capitaliste, il faut voir que le capitalisme, au niveau des, on va dire, des affects, en fait, de ce qui nous fait, de ce qui fait qu'on... qu'en tant qu'individu, on est attaché encore à ce système que finalement il tient et qui reste là, c'est plus en positif, en fait. Il n'y a plus le rêve américain, si vous voulez. Le capitalisme a pu reposer peut-être pendant les Grandes Glorieuses sur des promesses d'émancipation, de consommation, d'accès à un certain niveau de consommation pour la classe ouvrière, voilà, des choses en positif qui faisaient qu'on adhérait au capitalisme. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Il y a eu des démentis factuels trop violents pour qu'on continue à croire là-dessus. Et du coup, si vous voulez, le capitalisme aujourd'hui, il repose plus sur un projet à proposer en positif, mais sur l'absence d'alternative, en fait. Il repose sur le thatcherisme, voilà, c'est there is no alternative. Et du coup, le capitalisme, il repose maintenant uniquement sur, et c'est un aveu de faiblesse de la part de Thatcher, il repose uniquement sur des affects négatifs et non plus positifs. Et ces affects négatifs, c'est justement la peur de l'alternative, la peur du changement, la crainte du chômage, l'angoisse face à la solitude. Mais voilà, on peut considérer dans une certaine mesure qu'il ne tient plus qu'à un fil à ce niveau-là, en tout cas. Ceci dit, l'écroulement du vieux monde ne précipite pas automatiquement l'avènement d'un monde meilleur. Ça, c'est bien connu de tous, et ce serait bien idéal si ça fonctionnait ainsi. L'affaissement, la disparition d'un mode de domination peut nous plonger dans un mode de domination pire encore. Et donc, il n'y a aucune raison de se réjouir, si vous voulez, comme le font certains penseurs, philosophe catastrophiste, on peut trouver ça notamment dans certaines du côté de Jean-Pierre Dupuis en partie. Bon, l'idée que de toute façon on va face à la catastrophe, mais qu'à la limite, bah, acceptons-la et tant mieux, parce que de la catastrophe il pourra surgir que du mieux. Ben non, en fait, malheureusement, c'est ça qui est bien triste, il peut surgir du pire, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de penser et d'agir face aux menaces qui guettent. Et il est donc encore temps d'agir face à ces menaces. Et dans cette perspective, on pourrait repenser peut-être réinvestir l'idéal révolutionnaire et l'idée révolutionnaire en la concevant pas à la façon de Marx qui disait que les révolutions, c'est les locomotives de l'histoire, c'est ce qui nous fait aller encore plus vite, ce qui accélère le changement, mais plutôt en les pensant, les révolutions, à la manière de Walter Benjamin qui disait en fait les révolutions... C'est peut-être aussi surtout le frein d'urgence, le frein d'arrêt qui fait que quand on arrive au bord du précipice, eh ben, heureusement, on a ce réflexe comme ça de tirer le frein et de s'arrêter avant de tomber dans cette chute dont on ne connaît pas le fond et qu'on préfère pas connaître. Et à ce titre-là, on peut voir l'année 2011 comme un moment de tentative d'activation de ce frein à main, parce que 2011, c'est quand même le moment où il y a eu donc Occupy, où il y a eu les révolutions arabes, où il y a eu les indignés, où il y a eu ce qui s'est passé au Québec, puis bon, après, il y a eu toute une autre... ça a eu des suites en Turquie, au Brésil, à Hong Kong, bon, tout ça sont des choses connues. Voilà, donc ça, tout ça pour dire que je parle depuis une demi-heure, bon, je me laisse un petit quart d'heure encore. Tout ça pour dire que dans ce contexte-là, voilà, avec un néolibéralisme qui domine, mais qui est soumis à des tensions internes quand même particulièrement fortes et deux forces contraires sur la gauche comme sur la droite, mais deux forces profondément inconciliables, parce que l'une qui tend vers la barbarie et l'autre qui tend vers l'autonomie. Tout ça nous amène à penser qu'en se tournant vers Castoriadis, on va peut-être pouvoir trouver, non pas une solution miracle, mais au moins dans l'environnement brumeux qui est le nôtre, là d'un point de vue des pensées critiques aujourd'hui, on va peut-être pouvoir trouver une lueur ou une torche pour nous orienter un petit peu. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer d'exposer rapidement la pensée de Castoriadis, qui est une pensée riche, complexe, foisonnante, dont je vais laisser de côté tout un tas de concepts absolument centraux, comme celui de monade psychique originelle, de logique ensembliste identitaire, de signification imaginaire sociale, de magma. Bon, c'est des termes un petit peu barbares, là, comme ça, tout de suite, en général, ils n'évoquent pas grand-chose. Si ça vous intéresse, on a essayé de faire une présentation synthétique, mais rigoureuse, de ces concepts dans dans l'introduction du livre, qui est une introduction fournie d'une cinquantaine de pages. C'est voilà, de faire une petite introduction à ces concepts castoriadiens. Mais là, du coup, pour entrer dans l'édifice conceptuel, je vais me concentrer sur les notions d'autonomie et d'hétéronomie, qui sont vraiment, il me semble, la moelle épinière de la pensée de Castoriadis. Donc, et puis la porte d'entrée aussi la plus évidente dans son œuvre. Alors, étymologiquement, l'autonomie, bon, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est le grec, ça vient du grec qui veut dire pour un individu ou pour une société se donner à soi-même sa propre loi, autonomos. L'hétéronomie, à l'inverse, c'est une loi qui vient d'un autre, d'une instance extérieure. Et donc, si vous voulez, la différence entre hétéronomie et autonomie, elle se joue sur la question de l'origine de la loi. Alors, pour exemplifier ce que constitue une société autonome, hétéronome, pardon, plutôt pour commencer aux yeux de Castoriadis, on peut prendre un exemple qui est clairement caricatural, qui va être l'exemple d'une société monothéiste parfaite. Je prends cet exemple-là parce que pour Castoriadis, la religion, c'est vraiment l'exemple typique de l'hétéronomie. Il faut dire qu'il a une dent particulière contre la religion, donc quitte parfois à forcer un petit peu trop le trait à mon goût, il en fait l'exemple parfait de ce qu'est une société hétéronome. Et donc si on imagine une société comme ça, théocratique, monothéiste, on a un seul dieu qui fonde l'autorité de l'ensemble des institutions. C'est un dieu qui va fonder l'autorité de l'ensemble des institutions, qui va conditionner la légitimité de toutes nos pratiques, de tous nos comportements, et qui, au-delà de donner autorité et légitimité, qui va, et c'est peut-être ça qui est encore plus profond, qui va donner sa signification à nos vies, à nos actions, à nos manières de nous percevoir nous-mêmes, de percevoir notre relation aux autres et au monde. Et dans une telle société, ce que Castoriadis fait remarquer, c'est que ce Dieu, cette idée de Dieu, c'est un principe donc, qui ordonne l'ensemble de la société, mais qui paradoxalement est soustrait à la société. C'est un principe qui est extra-social, qui est infra-social, si vous voulez, comme une plaque architectonique qui diffuse son autorité, sa légitimité dans l'ensemble de la société, mais qui n'est pas à la portée des hommes qui habitent cette société. C'est-à-dire que cette idée centrale de Dieu, bon, lui, il appelle ça une signification imaginaire centrale, pour le dire avec ses termes, les hommes n'ont pas possibilité d'agir sur elle et, en réalité, n'ont même pas possibilité de penser et d'interroger l'idée de Dieu, d'interroger ses attributs, mais d'interroger aussi le prédicat de Dieu en tant que « est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il est vraiment là ?» Les membres de cette société théocratique n'ont pas la possibilité d'agir sur Dieu et de questionner l'idée de Dieu parce que, tout simplement, cette idée circonscrit ce que Castoriadis appelle un domaine du pensable. Circonscrit un domaine du pensable, c'est-à-dire un domaine à l'intérieur duquel on va pouvoir penser, on va pouvoir mobiliser des catégories, des valeurs, des imaginaires, des symboles, des termes, des notions, tout ce que vous voulez, pour penser ce qui nous arrive et pour nous penser nous-mêmes. Et donc Castoriadis dit ce type de société hétéronome se caractérise par la clôture du sens. C'est-à-dire que la société se referme pour elle-même, qu'elle s'immunise contre toute interrogation concernant ce qui constitue la clé de voûte de la société. Cette idée de Dieu, c'est la clé de voûte symbolique, mais aussi institutionnelle, sociale de la société. C'est ce qui l'a fait tenir. C'est une grande question de Castoriadis. Qu'est-ce qui fait tenir une société ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a société plutôt que dispersion d'individus et de groupes comme ça qui cohabitent les uns à côté des autres ? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment une société en tant que telle ? C'est parce que il y a un imaginaire social historique partagé, et cet imaginaire, il est structuré autour d'une signification centrale. Société théocratique, cette signification, c'est l'idée de Dieu. Et cette idée, elle est inquestionnable. Castoriadis, là, il le dit, je vais vous citer une citation qui peut-être rendra les choses plus claires, que fait Castoriadis à propos de la société hébraïque traditionnelle, où il dit « La loi, pour les Hébreux, n'est pas une loi de la tribu. Elle a été formulée et donnée par le Seigneur en personne. Comment pourriez-vous mettre en question cette loi ? Comment pourriez-vous dire que la loi de Dieu est injuste lorsque la justice est définie comme la volonté de Dieu ? Comment voulez-vous pouvoir dire que Dieu n'existe pas lorsque Dieu se définit lui-même comme celui qui est « je suis l'être » ? Comment voulez-vous dire « Dieu n'est pas » lorsque, dans la langue de la tribu, dans son imaginaire, Dieu veut dire « dire Dieu n'est pas » veut dire « l'être n'est pas » ? Contradiction logique imparable, voilà. Donc ça c'est la définition que Castoriadis donne d'une société hétéronome. Il considère que la plupart des sociétés humaines ayant historiquement existé sont à divers degrés des sociétés hétéronomes dans lesquelles la société attribue l'origine de ses lois soit à des dieux, soit à des esprits, soit aussi parfois à des ancêtres, mais ne s'attribue jamais elle-même l'origine de sa loi. La société ne se reconnaît jamais comme étant l'instance qui a produit ses propres lois. Et donc, pour lui, les sociétés hétéronomes, c'est ce qui a largement dominé l'histoire humaine. Alors, par contre, si aujourd'hui, on est en mesure de parler de l'autonomie, qu'on est en mesure éventuellement de réfléchir sur l'autonomie, voire d'agir pour l'autonomie, c'est, dit Castoriadis, parce que cette valeur a un moment émergé dans l'histoire. Elle est apparue, elle a surgi dans l'histoire humaine, et elle est devenue pour une société en particulier une valeur centrale qui a axé et qui a guidé, orienté l'imaginaire et les institutions de cette société. Cette société, vous le savez peut-être, pour lui en tout cas, c'est la société démocratique athénienne au 5e siècle environ avant Jésus-Christ, où il dit... cette société, c'est la première, il attribue tout simplement aux Athéniens l'invention de la démocratie, en disant que l'invention de la démocratie, c'est le fait de, pour la première fois, reconnaître dans la cité, dans la société, la source, la provenance des lois qui régissent la société elle-même. Et là-dessus, Castoriadis amène un élément particulièrement intéressant, qui est que à Athènes, à l'époque, toutes les lois qui étaient votées, était ensuite inscrit dans le marbre sur des tables des lois, Et elles étaient toujours précédées de la formule, dont je n'ai pas du tout le souvenir en grec, parce que je n'ai jamais fait de grec, mais qui disait « le peuple a décidé que », et deux points, ouvrez les guillemets, et on mettait la loi. Donc voilà, vraiment une reconnaissance du fait que c'est le peuple qui a décidé, et ce n'est pas les dieux ou les ancêtres ou que sais-je. Et donc, si vous voulez, ce point-là, il est intéressant, parce que par rapport à la définition que j'avais donnée au début, étymologique de l'autonomie et de l'hétéronomie, en fait, on déplace un petit peu le problème. Ce que j'ai dit au début, c'est autonomie. Une société autonome, c'est une société qui se donne ses propres lois. Une société hétéronome, c'est une société dont sa loi vient de l'extérieur. Mais en réalité, c'est pas ça pour Castoriadis. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il est compris, mais c'est vraiment pas ça. Parce que ce que dit Castoriadis, c'est que, si vous voulez, toute société se donne ses propres lois. Même la société qu'on a décrite comme étant la plus théocratique, religieuse qui soit, en réalité, c'est elle qui se donne ses propres lois. Cette idée de Dieu, bon, ben, c'est une création humaine, sociale, et ce n'est pas les hommes qui sont une création divine. Donc toute société, pour Castoriadis, repose sur ce qu'il appelle l'auto-institution. Toute société repose sur l'auto-institution, que ce soit des sociétés hétéronomes ou autonomes. Et ce qui fait la différence entre une société hétéronome et une société autonome, c'est que la société hétéronome ne se reconnaît pas comme étant à la source de ses propres lois, n'admet pas ce fait fondamental de l'auto-institution, que la société hétéronome, elle, assume. Et du coup, bah, la société autonome, sa particularité, c'est qu'elle fait ses propres lois, mais de manière lucide, réfléchie, de manière consciente. C'est ça le point vraiment important. C'est qu'on fait ses lois de manière consciente, et ça a des effets concrets très importants pour Castoriadis, puisque en agissant de manière consciente, eh ben, on accroît en fait notre capacité d'action, alors qu'en imaginant qu'on ne peut rien y faire parce que c'est Dieu qui a décidé que... Enfin voilà, c'est Dieu qui a fait qu'on était pécheurs ou que je ne sais pas trop quoi. Bon, ben, on n'a qu'à s'en remettre à la providence divine et à ce qui se passera plus tard. Et de même aujourd'hui, une autre forme d'hétéronomie peut-être moins évidente, mais si on dit ce sont les lois, voilà, on fait des coupes budgétaires, on casse les services sociaux, etc., parce que ce sont les lois de l'économie. Bon, bah, si ce sont les lois de l'économie, on ne peut rien y faire. C'est les lois de l'économie internationale, mondialisée, c'est hors de portée. C'est d'ailleurs comme ça que nos gouvernants nous font souvent passer les régressions sociales, enfin les réformes, contre-réformes en réalité, mais voilà, au nom d'une économie comme ça qui passerait au-dessus. Une autre forme d'hétéronomie, qui n'est ni l'hétéronomie religieuse, ni l'hétéronomie de l'économie néolibérale aujourd'hui, c'est aussi le droit naturel. Si on considère que le droit institué, celui qu'on vote dans les parlements, est un droit qui découle directement des droits naturels, de la nature humaine, du fait qu'il y a dans la nature humaine universelle des droits. Bon, voilà, ça c'est des idées vieilles, hein. mais si on considère que nos lois découlent de la nature humaine, bon, bah, à partir de là, la société, là-dessus, elle est dépossédée de ses marges de manœuvre. Donc voilà, ça c'est pour bien fixer la différence entre les deux. Ce que dit Castoriadis, qui évidemment se fait le défenseur de l'autonomie, c'est que l'autonomie n'est pas sans risque. L'autonomie n'est pas sans risque, pourquoi ? Pour deux raisons notamment. La première, c'est que c'est qu'en réalité, l'autonomie, c'est quelque chose qui exige beaucoup, en fait, d'une société, de ses individus. L'autonomie, c'est très, très exigeant. Il y a une phrase que Castoriadis affectionne tout particulièrement, qu'il attribue à Thucydide. Alors, par curiosité, je l'ai cherché maintes fois, je ne l'ai jamais trouvé, donc si éventuellement quelqu'un la connaît, ça m'intéresse. Thucydide aurait dit, selon Castoriadis, entre être libre et se reposer, il faut choisir. Voilà, entre la liberté et la tranquillité, il faut choisir. Être libre, quand on a une conception de la politique et de la démocratie à la Castoriadis, ça veut dire s'impliquer volontairement, activement dans les affaires de la cité, dans la politique. Lui, il prône une démocratie directe. Hein. Là, il n'y a pas de demi-mesure avec semi-direct, démocratie participative, délibérative ou quoi. Non, lui, c'est démocratie directe. Et donc ça, bah oui, ça exige des citoyens, une disponibilité, un sens civique, un ethos politique. Qui conditionne en réalité l'existence même de la démocratie. Ça, c'est un peu le cercle, et c'est ce qui fait toute la difficulté aussi. C'est que, si vous voulez, pour avoir une démocratie, un régime démocratique, vous avez besoin d'individus démocrates, d'individus qui sont prêts, voilà, à se sacrifier, mais à se dévouer pour la chose publique. Donc vous avez besoin de démocrates pour une démocratie, mais pour avoir des démocrates, ben vous avez besoin d'avoir une démocratie, parce que c'est la démocratie en tant que régime politique, mais aussi régime social et économique, parce que pour Castoriadis, la démocratie, c'est pas juste les institutions strictement politiques comme on les entend, c'est aussi les salaires égaux pour tout le monde, évidemment l'abolition du capitalisme, de tous les rapports de genre, de race, etc. Et donc vous avez besoin d'une société démocratique pour faire advenir des individus démocrates, qui eux-mêmes, dont vous avez eux-mêmes besoin pour faire devenir une société démocratique. Donc voilà, il y a tout un cercle comme ça qui est un peu compliqué, parce que une fois qu'on est dans le cercle, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, aujourd'hui, on est dans une société où on n'a ni un régime démocratique, ni des individus démocrates, en tout cas, c'est son constat. Donc comment on fait pour passer d'un cercle capitaliste à un cercle démocratique, c'est toute la difficulté, toute la problématique de la transition d'une société à une autre. Donc ça, c'était, je me suis un peu dispersé, mais c'était sur le fait, voilà, que l'autonomie, la première difficulté, c'est que ça, bon, ça suppose un engagement, on va dire. Le deuxième grand risque que souligne Castoriadis concernant l'autonomie, c'est ce qu'il appelle le risque de la démesure. C'est-à-dire que en découvrant sa capacité d'agir, une société est tentée, dit Castoriadis, de, disons, portée par cet enthousiasme de la découverte de, bah, en fait, c'est nous qui faisons un petit peu ce que nous voulons de nos propres lois. Une société peut être tentée de faire table rase du passé, de tout reprendre à zéro, et donc de s'engouffrer comme ça dans une volonté démiurgique qui ne tiendrait plus compte du fait que, bah oui, nous avons quand même un passé, nous avons quand même une histoire, nous avons des traditions, nous avons des institutions, nous avons certaines choses qu'il convient de prendre en compte et avec lesquelles il nous faut traiter. Et donc, dit Castoriadis, le risque, en fait, si vous voulez, c'est qu'en découvrant son autonomie, sa capacité à maîtriser son environnement, l'homme, pour le dire comme ça, imbu de lui-même ou orgueilleux, face à un usage déraisonnable, démesuré, illimité de sa capacité d'action, et du coup, bon, bah, sombre à nouveau vers d'autres formes d'hétéronomie. Et là, pour exemplifier ça, la façon dont, si vous voulez, l'autonomie peut subrepticement glisser vers une forme de démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, il prend l'exemple même toujours, hein, parce que lui, il résonne en grande partie à partir de la société athénienne, il prend l'exemple d'Athènes, de l'Athènes démocratique, qui a mené des expéditions militaires en Sicile, puis contre Sparte, contre Syracuse, que Castoriadis considère comme justement inconsidérées, imprudentes, orgueilleuses, et qui, selon lui, ont mené, donc ça s'est terminé par des défaites militaires d'Athènes et par le fait que cette puissance occupante est devenue une puissance occupée, et donc la fin aussi de la démocratie athénienne, la fermeture des écoles philosophiques, parce que pour Castoriadis, il y a un lien intime entre démocratie, philosophie et liberté, hein, les trois vont de pair, et donc pour lui, Athènes est aussi un exemple historique essentiel de ce risque de l'hubris. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'après justement la disparition de la démocratie athénienne, on est rentré dans une longue phase pluriséculaire d'éclipse du projet d'autonomie, donc démocratie, liberté, philosophie, projet d'autonomie qui a rejailli seulement vers au tout départ, au XIIe siècle, il dit, dans certaines sociétés bourgeoises médiévales, qu'on recommençait à se revendiquer de l'autonomie, mais surtout, en fait, avec les révolutions de la modernité française, anglaise dans une moindre mesure, et avec ce qui a suivi, le mouvement ouvrier, la philosophie des Lumières, les mouvements de décolonisation, le mouvement féministe et tout ça. Pour lui, là, il y a quelque chose de vraiment essentiel qui se joue sur le plan historique, parce que la modernité est l'époque dans laquelle ressort, réapparaît ce projet d'autonomie qu'on avait vu auparavant seulement surgir en Grèce. Et alors, ce qui est vraiment important de préciser concernant sa caractérisation de la modernité, c'est que Castoriadis dit que la modernité, en réalité, ne se constitue pas autour d'une seule signification imaginaire centrale qui serait l'autonomie, mais autour de deux significations imaginaires centrales, autour d'un deuxième projet. Et cet autre projet, c'est ce qu'il appelle le projet d'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle, ou d'expansion illimitée de la pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle, parce que justement, on considère que la vraie rationalité, elle est plutôt du côté de l'autonomie. Ce projet de d'étendre de plus en plus à toutes les sphères de la société la maîtrise rationnelle, c'est très concrètement le projet capitaliste. C'est comme ça que Castoriadis l'identifie. C'est un projet dont il va chercher la substance, on va dire, intellectuelle, philosophique chez Descartes, dans ce passage assez célèbre où Descartes dit que nous voulons atteindre au savoir et à la vérité pour nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Et Castoriadis dit, voilà, ça c'est la substance même, l'intention profonde du projet capitaliste, c'est nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Donc comprendre les lois naturelles, les lois qui régissent la physique, la chimie, la biologie, le corps humain, et puis même en fait le social, afin d'exploiter cette connaissance des liens de causation et des régularités à notre profit pour nous rendre maîtres de l'environnement, nous rendre maîtres de la nature, qui n'est donc plus conçue comme un champ immaîtrisable, mais comme une ressource à conquérir, à exploiter, à rentabiliser. Et donc au départ, ce projet d'expansion de la maîtrise rationnelle, c'est des choses, bon, finalement, avec lesquelles Castoriadis n'a pas de problème là-dessus. Il dit c'est les grandes découvertes, c'est l'invention de l'imprimerie, de la machine à vapeur, de la pile électrique, c'est du coup la science moderne et la révolution industrielle. Donc il dit au début, voilà, dans ses premiers temps, cette avancée du projet de maîtrise, bon, c'est a priori pas néfaste, on ne peut pas condamner ça, y compris même les progrès de la technique permettent à l'homme de se libérer de certains besoins et donc de se consacrer à des tâches plus épanouissantes, plus gratifiantes, plus valorisantes, etc. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais il dit qu'il y a un moment où ça s'emballe et où c'est plus simplement un projet de maîtrise, mais c'est vraiment un projet d'expansion sans fin de la maîtrise. Et c'est là pour lui que ça devient, je le cite, donc c'est un projet là qui, à ce moment-là, cesse de concerner seulement les forces productives et l'économie, pour devenir un projet global, et pour autant encore plus monstrueux, de maîtrise totale des données physiques, biologiques, psychiques, sociales et culturelles. Et donc pour lui, le capitalisme, c'est ça. C'est la volonté de maîtriser dans sa totalité l'ensemble des sphères du social. Pour exemplifier un petit peu ça, on peut donner trois exemples. Le cas de la volonté de maîtriser l'ouvrier et son action, le consommateur et ses désirs, et le citoyen et son vote et sa participation. Volonté du capitalisme de maîtriser l'ouvrier et son action. Oui, volonté du capitalisme, effectivement, qui repose sur un rapport salarial de subordination, où on obéit à ceux qui nous commandent et où on met en place une organisation scientifique du travail qui a pour objectif ultime, heureusement, elle n'y arrive jamais parce qu'il y a une résistance humaine, mais qui a pour objectif ultime de transformer les hommes en automates, en machines. Donc ça, c'est le côté... l'aspect maîtrise de l'ouvrier, maîtrise aussi du consommateur, hein, mais de ses désirs, hein, bon, avec tout ce qu'il y a du côté de la publicité, du marketing, etc. Et maîtrise du citoyen, qu'il faut garder cantonné dans un rôle bien limité, glisser un bulletin dans une urne une fois tous les 4 ans, oui. Bernard Manin le dit bien, hein, les régimes représentatifs, c'est des régimes dans lesquels le citoyen a vocation à consentir au pouvoir des gouvernants, mais pas à participer au pouvoir. On nous demande de consentir à travers le vote à ceux qui nous gouvernent, mais pas de gouverner nous-mêmes. Bon, et ça, Castoriadis ne pouvait pas forcément le voir parce que c'est assez récent, mais là, je ne sais plus dans quelle revue c'était, là, mais il y a un médecin français, c'est un petit épigone de ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais qui est en train de promouvoir ici, aujourd'hui, en France, le projet transhumaniste, donc de voilà, créer des trans-hommes qui auraient dépassé la condition humaine de mortalité, donc voilà. Projet de, on nous dit que le premier homme qui vivra éternellement est déjà né Voilà, la volonté de maîtriser, y compris la mort, dont on pensait jusqu'à récemment que c'était quand même la condition indépassable de l'humanité. Donc voilà, l'alliance entre les grands entrepreneurs, parce que c'est quand même des gens, des entreprises américaines surcotées en bourse qui financent ces recherches transhumanistes. Donc c'est l'alliance entre le grand capital américain et des médecins, des scientifiques, mais fous, qui amènent à de telles ambitions. Et peut-être dernier point là-dessus, donc Castoriadis dit qu'il y a, si vous voulez, ce projet capitaliste là, d'expansion de la maîtrise, il porte directement atteinte pour lui au projet d'autonomie, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, je l'ai dit avec ces termes, c'était ce que j'essayais de dire au départ quand je me suis livré à ce petit exercice de caractérisation de la situation. Donc deux projets qui sont fondamentalement antagoniques, mais en réalité qui, et c'est ça qui est très intéressant, en réalité qui sont aussi étroitement complémentaires. Étroitement complémentaires dans le sens où les progrès de l'autonomie se sont appuyés en partie sur l'avancée du capitalisme, les progrès techniques, technologiques, je sais pas, enfin bon, l'électricité, la machine à laver, enfin des choses comme ça, bon, nous ont libérés effectivement de certaines tâches, je disais, peu gratifiantes, peu épanouissantes, quoique encore, on peut tout à fait aimer les faire, faut pas, voilà. Mais donc, si vous voulez, il y a eu dans ce progrès de la raison scientifique et de la technique des éléments sur lesquels a pu s'appuyer le projet d'autonomie. Et à l'inverse, dit Castoriadis, si vous voulez, le projet capitaliste, s'il n'avait pas en face de lui le projet d'autonomie, il s'autodétruirait. Il s'autodétruirait quasiment dans la seconde. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est complètement paradoxal, en fait, qui est vicié de l'intérieur. C'est une idée qui lui vient de travaux de sociologues américains qu'on travaille sur en sociologie du travail dans les années 1950. Il en parle dans son texte Les rapports de production en Russie, qui disent en réalité une usine. Donc ça fonctionne avec des ordres qui sont donnés aux ouvriers de fonctionner comme ci, comme ça, avec leur machine. Mais si les ouvriers respectaient à la lettre les ordres qu'on leur donne, la machine, le fonctionnement de l'usine, il se gripperait immédiatement. En réalité, il y a toujours besoin pour que ça fonctionne que les gens s'adaptent, qui manœuvrent, qui créent des marges, qui s'accommodent, qui inventent pour continuer à faire tourner la machine. Parce que ce mode de cette volonté là de vouloir tout rationaliser, tout administrer, tout mettre dans des textes, dans des directives, dans des injonctions, ça ne peut tout simplement pas marcher. Et donc, en définitive, le projet capitaliste, il tient parce que, en réalité, en face, il y a quand même des gens qui adaptent les ordres à la réalité du travail. Quoi. Et donc, ça amène Castoriadis à dire, je vous lis cette citation, « La période moderne peut être le mieux définie par la lutte, mais aussi, et c'est ça qui est important, la contamination mutuelle de ces deux significations imaginaires, autonomie d'un côté, expansion illimitée de la maîtrise rationnelle de l'autre. » Donc, véritablement, union conflictuelle de ces deux forces qui se soutiennent l'une l'autre tout en s'affrontant, évidemment, l'une l'autre. Alors, je vais continuer et conclure en fait en réalité en indiquant que à la veille de sa mort en 1997, Castoriadis faisait un diagnostic quand même particulièrement pessimiste concernant la situation. Lui disait, alors moi j'essaie de caractériser la situation à l'échelle de quelques années sur un temps court, lui il avait, c'était, je vous l'ai décrit un petit peu, je vous ai décrit un peu le personnage au début, c'était Castoriadis. Quelqu'un qui avait une vision sur des millénaires, mais donc lui disait, on est en train de rentrer dans une phase de, il appelait ça montée de l'insignifiance ou décomposition de la société, qui voulait dire très concrètement nouvelle éclipse du projet d'autonomie, comme entre le 4e siècle avant notre ère et le 13e, 14e, 15e siècle, il a eu presque deux millénaires d'éclipse de l'autonomie. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase là où après trois siècles à peu près où l'autonomie a cohabité comme ça avec le capitalisme, et en gros c'est le rouleau compresseur capitaliste qui l'a emporté fin de l'histoire. En tout cas, c'est un diagnostic un tantinet résigné, on va dire, qui est peut-être pas euh, qui est, c'est peut-être pas par hasard que Castoriadis le formule à un moment où ça fait déjà une quinzaine d'années qu'il s'est éloigné de toute activité militante pour se consacrer vraiment à poser les jalons et à affiner la construction de son système philosophique et conceptuel, qui est magistral, hein, qui est vraiment une œuvre philosophique. Donc voilà, il avait peut-être aussi pris une certaine distance vis-à-vis de ce qui se passait dans les univers militants et peut-être plus du côté effectivement social que du côté de la philosophie et de l'ontologie à laquelle il se consacrait à l'époque. Et du coup, je conclurai en disant qu'on pourrait aujourd'hui éventuellement quand même, et ça c'est ce que nous on a pour le coup dans notre ouvrage, c'est là-dessus qu'on s'est distancié en réalité de Castoriadis, en essayant de montrer, c'est ce que je disais au début, que non, la bataille n'est pas achevée, qu'il y a un certain nombre d'indices qui sont de différents côtés aussi bien. Donc on a parlé de différentes mobilisations, mouvements sociaux, de lutte, bon, dans certains pays contre des régimes autoritaires, mais même dans nos pays, voilà, de mouvements contre l'austérité ou en défense des droits des femmes, des immigrés ou autres. Il y a ce côté-là. Il y a aussi quand même du côté de la pensée critique, malgré ce que j'en ai dit aujourd'hui, une certaine profusion, une certaine vitalité. Il y a des choses qui sont intéressantes quand on regarde du côté des gender studies, des post-colonial studies. Bon, il y a quand même, il se passe des choses de ce côté-là. Il y a aussi tout ce qui relève des expérimentations politiques alternatives de type, bon, bah voilà, tous les communs. Ça, c'est des choses qui sont quand même très importantes aussi et qui existent. Hein. Il y a plusieurs expériences à l'œuvre encore aujourd'hui, hein, qu'il faut prendre en compte. Et puis, peut-être aussi, dernière chose, là, à laquelle Castoriadis n'a vraiment pas été très sensible, je pense, c'est ce que quelqu'un comme James C. Scott, par exemple, anthropologue américain, caractérise comme, bon, je ne sais pas, le terme est un peu barbare, mais il appelle ça l'infrapolitique des dominés ou des gouvernés, je ne sais plus. Mais bon, bref, si vous voulez, c'est toutes les petites résistances du quotidien qu'on va avoir, qu'on va produire de manière individuelle. On nous dit de faire ci, ben, en fait, on fait comme si on n'avait pas entendu la directive pour ne pas la faire. Vous êtes contrôleur à la SNCF, ben, en fait, vous ne filez pas systématiquement des amendes parce que ça va contre votre éthique professionnelle. Bon, voilà, enfin, tout un ensemble de petits actes quotidiens de détournement, de subversion, de hacking, de piratage qui indiquent que la résistance et l'autonomie, elle n'est pas forcément toujours du côté des grandes actions massives de type manifestation, révolution, de grandes actions spectaculaires comme peuvent l'être des cas de désobéissance civile ou de ZAD ou choses comme ça, mais que parfois aussi ça peut se jouer au niveau de singularités qui refusent des ordres ou même qui vont trouver à se subjectiver, s'épanouir dans des pratiques artistiques, d'écriture, sportives potentiellement. Voilà. Enfin, il y a des choses aussi là-dessus. Quelqu'un comme John Holloway dans « Changer le monde sans prendre le pouvoir » qui peut être un ouvrage discutable sur plein d'aspects, mais insiste sur le fait que peut-être, alors là, je n'aurais pas prêt à le suivre, mais il dit dans une scène où un père joue avec sa fille au football dans un champ, ben, on peut voir une scène qui échappe à la logique du capitalisme qui nous dit de travailler, consommer et nous taire. Et voilà, on peut même voir dans des actes comme ça des petits moments d'autonomie. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Questions ?